l'expédition Ghazwa contre les Banu al-Mustaliq ou l'expédition d'Al-Muraysi' durant le mois de Sha'ban de l'an 6 de l'Hégire. Bien que l'expédition contre les Banu al-Mustaliq ne fût pas d'une grande ampleur sur le plan militaire, les événements qui s'y produisirent provoquèrent des troubles dans la société musulmane qui aboutirent à la mise à jour des machinations des hypocrites. De lourdes peines furent également établies, ce qui contribua à donner de la société musulmane l'image d'une société noble, digne et pure. Le deuxième jour du mois de Sha'ban de l'an 6, selon les avis les plus authentiques, le prophète alayhi salatu wassalam fut informé que le chef des Banu al-Mustaliq, Al-Harith ibn Dirar, avait mobilisé ses hommes ainsi que d'autres arabes afin d'attaquer Médine. Bureida ibn al-Hasib al-Aslami fut immédiatement dépêché pour vérifier la véracité de cette nouvelle. Ce dernier rencontra Al-Harith ibn Dirar qui confirma ses informations. Al-Harith ibn Dirar envoya l'un de ses hommes pour recueillir des renseignements sur l'armée musulmane, mais celui-ci fut capturé et exécuté. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mobilisa alors ses compagnons pour marcher contre les Banu al-Mustaliq. Zayd ibn Haritha, selon d'autres versions il s'agissait d'Abu Dhar, fut désigné comme lieutenant du prophète alayhi salatu wa sallam à Médine. En apprenant le départ de l'armée musulmane, les mécréants prirent peur et les autres arabes qui s'étaient alliés à eux s'enfuirent. Abu Bakr portait l'étendard des Muhajiroun et Sa'd ibn Ubada, celui des Ansar. Les musulmans établirent leur campement près d'un point d'eau appelé Al-Muraysir, appartenant au Banu al-Mustaliq. Après un échange de flèches qui dura une heure, les musulmans se ruèrent sur l'ennemi et le combat qui s'ensuivit tourna pleinement à leur avantage. Les Banu al-Mustaliq furent mis en déroute. Ils subirent quelques pertes en vies humaines. Leurs femmes ainsi que leurs enfants furent emmenés en captivité et leur bétail fut saisi. Mais un musulman fut tué lors des combats par un Ansar qu'il avait malencontreusement pris pour un ennemi. C'est ce qu'ont rapporté les Ahlul Marazi wa Siyar, les auteurs des ouvrages sur les expéditions et les biographes du prophète alayhi salatu wassalam, mais Ibn al-Qayyim a affirmé qu'il s'agissait là d'une erreur, car d'après lui, il n'y eut pas de combat entre les musulmans et les Banu al-Mustaliq, le prophète alayhi salatu wassalam ayant attaqué ceux-ci par surprise alors qu'ils abreuvaient leurs troupeaux, ainsi que le rapporte Al-Bukhari. Parmi les captives, il y avait Juwayriya, la fille d'Al-Harith, le chef des Banu al-Mustaliq. Le prophète alayhi salatu wassalam l'épousa après avoir payé sa rançon à Thabit ibn Qais, ce qui incita les musulmans à affranchir une centaine de familles captives qui avaient embrassé l'islam parce qu'ils constituaient désormais, disait-il, la belle famille du prophète alayhi salatu wassalam. Le rôle joué par les hypocrites avant la bataille. Abdullah ibn Ubay était un redoutable hypocrite, plein de rancœur contre l'islam et les musulmans, car il était convaincu que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait anéanti ses espoirs, puisque sans l'avènement de l'islam à Médine, il aurait été couronné roi des Haous et des Khazraj. Les vrais sentiments de Abdullah étaient apparus au grand jour dès le début de l'émigration, avant même qu'il ne se soit mis à faire semblant d'être musulman. Une fois le prophète, alayhi salatu wassalam, allant visiter Sa'd ibn Ubada qui était malade, passa par une assemblée où se trouvait Abdullah ibn Ubay. Ce dernier se couvrit le nez avec son manteau en disant « Ne nous couvrez pas de poussière !» Lorsque l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, lut le Coran, il lui dit « Ne nous importune pas avec cela dans notre assemblée !» Après la bataille de Badr, il se donna les apparences de l'appartenance à l'islam. Mais au plus profond de son cœur, il nourrissait une hargne sans égale à l'encontre d'Allah, de son messager, alayhi salatu wassalam, et de tous les croyants. Son unique objectif fut dès lors de semer la discorde au sein de la communauté musulmane et de miner la cause de la religion d'Allah. Il s'allia aux détracteurs de l'islam, intervint en faveur des Banu Qaynuqa, comme nous l'avons déjà vu, et jeta le trouble et la confusion dans les rangs des musulmans juste avant la bataille d'Uhud. Il était tellement fourbe que pour feindre son appartenance à l'islam, il se levait au milieu des musulmans avant le sermon du vendredi donné par le prophète, alayhi salatu wassalam, clamant aux musulmans présents « Voici le messager d'Allah. Allah vous a honoré par son biais. Soutenez-le, obéissez-lui et écoutez-le. » Et après cela, il se rasseyait. Il s'apprêtait le vendredi qui suivit la bataille d'Uhud à faire la même chose lorsque les musulmans le retinrent par ses habits et l'obligèrent à se taire. Il se retira alors, traversant les rangs des fidèles en disant « Par Allah, c'est comme si j'avais dit quelque chose de mal. Or, je voulais seulement l'appuyer. » Un des Ansar le rencontra à l'entrée de la mosquée et lui conseilla de retourner auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pour qu'il demande pour lui le pardon d'Allah. Mais il rétorqua qu'il ne désirait pas cela. Il complota avec les Banu Nadir contre les musulmans et lorsque ceux-ci furent sommés par le prophète alayhi salatu wassalam de quitter les alentours de Médine, il les assura de son soutien en leur disant « Si on vous chasse, nous partirons très certainement avec vous. Et si on vous combat, très certainement, nous vous secourrons. » Sourate 59, verset 11, selon le sens du verset. Durant la bataille des coalisés, il s'employa avec ses partisans à pousser les musulmans à la défection. Décrivant leur machination et leur déloyauté, Allah dit, selon le sens des versets, « Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie, le doute, au cœur disaient, « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. » De même, un groupe d'entre eux dit, « Gens de Yathrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. » Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant, « Nos demeures sont sans protection. » Alors qu'elles ne l'étaient pas, ils ne voulaient que s'enfuir. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté certes et n'auraient guère tardé. Tandis qu'auparavant, ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Dis, jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort sans combat ou le meurtre dans le combat que vous fuyez. Dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dis, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde? Et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles ainsi que ceux qui disent à leurs frères « Venez à nous » tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Avares à votre égard. Puis quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec des langues affilées, alors qu'ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc rend vaines leurs actions, et cela est facile à Allah. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés revenaient, ces gens-là souhaiteraient être des nomades parmi les bédouins, et se contenteraient de demander de vos nouvelles. S'ils étaient parmi vous, ils n'auraient combattu que très peu. Sourate 33, versets 12 à 20. Tous les ennemis de l'islam, juifs, hypocrites et polythéistes, reconnurent que l'islam l'emportait sur eux, non pas à cause d'une supériorité matérielle, d'une multitude de soldats ou d'un équipement performant, mais plutôt en raison des nobles valeurs, de l'éthique élevée et des qualités remarquables qui imprégnaient la communauté musulmane ainsi que quiconque s'y rattachait. Les détracteurs de l'islam savaient pertinemment que la source de cette lumière était le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était le modèle incarnant toutes les valeurs morales prônées par sa religion. Après avoir lutté en vain pendant 5 années afin d'éradiquer la nouvelle religion, ils comprirent qu'ils ne pouvaient avoir raison de l'islam en usant de la manière forte. Aussi s'efforcèrent-ils de mettre au point d'autres stratégies. Étant notoirement réputés par leur aptitude à calomnier et à médire d'autrui, ils décidèrent de lancer à grande échelle une campagne de diffamation visant à compromettre la personne du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le domaine le plus sensible de la vie en Arabie, à savoir celui de la morale et des traditions. Après la bataille du fossé, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait épousé Zaynab bint Jahsh après que le mariage de cette dernière avec Zayd ibn Haritha, le fils adoptif du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, eût été rompu. Les hypocrites saisirent l'occasion. Et ils commencèrent à mener une campagne de dénigrement contre le prophète alayhi salatu wassalam en faisant référence à une tradition des Arabes du désert interdisant le mariage d'un homme avec la femme qui avait divorcé de son fils adoptif. Ils forgèrent des histoires sur l'attitude de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam qui aurait été fasciné par la beauté de Zaynab et se serait épris d'elle alors qu'elle était encore mariée à Zayd. Ainsi, lorsque Zayd apprit les sentiments de son père adoptif, il se sépara d'elle pour que le prophète alayhi salatu wassalam puisse l'épouser. D'ailleurs, même certains livres de commentaires du Coran et d'ouvrages sur la tradition prophétique furent imprégnés de telles allégations. Ces dernières eurent un impact négatif sur le moral de quelques musulmans à la fois faibles, jusqu'à ce que fut révélé le verset suivant, portant un coup fatal à toutes ces déplorables paroles dont les desseins étaient odieux. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Sourate 33, verset 1, selon le sens du verset. Ce fut là un résumé des méfaits commis par les hypocrites avant l'expédition des Banu al-Mustaliqa. Le prophète alayhi salatu wassalam supportait tout cela avec patience et douceur et adoptait toujours un comportement empreint d'une très grande politesse. La masse des musulmans, quant à elle, se défiait de leur mal ou l'endurait, car le temps passant, leur hypocrisie et leur vraie nature apparaissaient au grand jour. Allah dit à leur sujet يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Ne voit-il pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois, malgré cela, ils ne se repentent ni ne se souviennent. Sourate 9, verset 126, selon le sens du verset. Le rôle des hypocrites lors de l'expédition contre les Banu al-Mustaliqa. Durant cette expédition, les hypocrites jetèrent la confusion dans les esprits des musulmans et menèrent une campagne de diffamation abominable contre le prophète, alayhi salatu wassalam. En résumé, leur comportement était vraiment semblable à ce qu'Allah a dit d'eux dans le Coran. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Sourate 9, verset 47, selon le sens du verset. L'expédition des Banu al-Mustaliq fini, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, était resté auprès d'un point d'eau, al-Muraysir. Les gens abreuvaient leurs bêtes lorsque Jahjah, un homme au service de Omar ibn al-Khattab, et Sinan ibn Wabar al-Juhani se disputèrent jusqu'à en venir aux mains. Sinan cria « À moi les Ansar !» et Jahjah « À moi les Muhajiroun !» L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Mettez-vous encore en avant les arguments de l'ère de la jahiliya, de la période de l'ignorance, alors que je suis parmi vous. N'usez pas de telles paroles, ce sont de mauvaises paroles. » Lorsque cela parvint aux oreilles de Abdullah ibn Ubay, il se mit en colère et dit dans une assemblée où était présent Zayd ibn Arqam, encore jeune alors, « Ont-ils osé le faire? Ils nous disputent le mérite et cherchent à nous dépasser en nombre dans notre propre pays. » Par Allah, engraisse ton chien, il te dévorera. Que cette parole des anciens illustre bien notre exemple et le leur. Eh bien, par Allah, si nous revenons à Médine, le plus noble de nous deux chassera le plus vil. Puis, s'adressant aux gens présents, il dit « C'est vous qui l'avez cherché, vous les avez accueillis chez vous et partagez vos biens avec eux. Par Allah, si vous leur coupez les vivres, ils vous quitteront. » Lorsque ces paroles furent rapportées au prophète alayhi salatu wassalam par Zayd ibn Arqam, Omar lui demanda de donner l'ordre à Abbad ibn Bishr de tuer Abdullah ibn Ubay. Le prophète alayhi salatu wassalam refusa bien sûr sa proposition en lui disant « Qu'en serait-il si les gens racontaient que Muhammad tue ses compagnons ?» Au contraire, et d'une façon inattendue, il ordonna à Omar d'annoncer le départ de l'armée. Usayd ibn Hudayr interrogea alors le prophète alayhi salatu wassalam « Pourquoi as-tu donné l'ordre de lever le camp à une telle heure ? Il lui répondit « Ne t'est-il pas parvenu ce que votre compagnon, c'est-à-dire Abdullah ibn Ubay, a dit ?» Il demanda « Qu'a-t-il dit ?» Il rétorqua « Il a prétendu qu'une fois à Médine, le plus noble chassera le plus vil. » Usayd dit « C'est donc toi, ô messager d'Allah, qui l'en feras sortir, car par Allah, il est le plus vil et tu es le plus noble. » Puis il ajouta « Ô messager d'Allah, traite-le avec ménagement, car par Allah, Allah t'a envoyé à nous, alors que son peuple s'apprêtait à le consacrer roi. Il pense que tu l'as privé de la royauté. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, marcha ainsi avec ses hommes toute la journée ainsi que la nuit durant et le jour suivant, jusqu'à ce que la chaleur du soleil devint insupportable. Il donna l'ordre alors d'établir le camp. Exténuées, les troupes musulmanes s'abandonnèrent aussitôt au sommeil. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, réussit intelligemment à détourner ses hommes de l'événement pénible qui venait de se produire. Quant à Abdullah ibn Ubay, Lorsqu'il sut que Zayd ibn Arqam avait rapporté au prophète alayhi salatu wassalam ses propos, il se rendit auprès de lui et jura par Allah qu'il n'avait rien dit de tel. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirent que Zayd avait peut-être mal interprété les propos de Abdullah ibn Ubay. Zayd dit « J'ai éprouvé un vif chagrin à cause de ce démenti, jusqu'au moment où Allah révéla les versets suivants. Quand les hypocrites viennent à toi, jusqu'à, c'est eux qui disent, ne faites pas largesse à ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. Ils disent, si nous rentrons à Médine, le plus puissant, très certainement, en fera sortir le plus humble. » Le prophète alayhi salatu wassalam me fit alors venir, me lut la sourate et me dit ensuite, « Allah a démontré ta véracité. » Apprenant ce qui s'était passé, Abdullah, le fils de Abdullah ibn Ubay, qui était un homme pieux, désavoua son père. Et lorsque l'armée fut sur le point d'entrer à Médine, il tira son épée et l'empêcha d'aller plus loin. « Par Allah, lui dit-il, tu ne passeras pas avant que l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne t'en donne la permission, car il est le plus puissant et tu es le plus vil. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa Abdullah, le père, à rentrer à Médine. Il a également été rapporté que le fils de Abdullah ibn Ubay dit à l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, si tu veux la mort de mon père, ordonne-moi de le tuer. Par Allah, je t'apporterai sa tête. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui assura qu'il ne souhaitait pas sa mort et qu'il fallait au contraire le traiter avec douceur aussi longtemps qu'il resterait en vie. L'affaire du collier de Aïcha, radiallahu anha, ou Hadith al-Ifk. Il s'agit d'un incident pénible qui se produisit lors du retour de l'expédition menée contre les Banu al-Mustaliqa. L'armée musulmane avait dû s'arrêter durant une nuit dans un endroit situé non loin de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam était accompagné de sa noble et distinguée épouse, Aïcha, radiallahu anha. Celle-ci s'éloigna un peu du campement pour satisfaire un besoin naturel. Quand elle revint, elle s'aperçut qu'elle avait égaré son collier en chemin. Ce collier n'avait pas une grande valeur matérielle, mais comme il appartenait à sa sœur, Aïcha retourna le chercher. Le temps passa, et quand elle voulut rejoindre le campement, elle découvrit à son plus grand regret que l'armée s'était remise en marche avec le chameau sur lequel elle prenait place. Les gens qui étaient chargés de sa monture posèrent son palanquin sur le chameau qu'elle montait, pensant qu'elle s'y trouvait car elle était légère. Désespérée, elle s'assit. Et il en fut ainsi jusqu'à ce qu'elle fût emportée par le sommeil. Safwan ibn al-Mu'attal, un muhajir qui était resté en arrière de l'armée, la reconnut, car il l'avait déjà vue avant que le verset enjoignant le port du voile n'eût été révélé. Il la fit monter sur son chameau et la conduisit jusqu'au lieu où se trouvait l'armée. Les hypocrites, menés par Abdullah ibn Ubay ibn Salul, se mirent à propager des calomnies sur Aïcha et Safwan ibn al-Mu'attal. Malheureusement, certains musulmans participèrent à cette manigance et s'impliquèrent négativement dans l'affaire. À son arrivée à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam demanda conseil à ses compagnons qui furent partagés entre l'option du divorce et celle du maintien des liens maritaux. Le prophète sallallahu alayhi wassalam est même monté sur la chaire de sa mosquée pour se plaindre du préjudice qui lui avait été causé du fait de la calomnie forgée par Abdullah ibn Ubay. Un affrontement faillit même avoir lieu entre les Haous et les Khazraj lorsque Usayd ibn Hudayr, seigneur des Haous, montra sa disposition à l'éliminer, alors que Sa'd ibn Ubada, seigneur des Khazraj, la tribu de Abdullah ibn Ubay, sous l'emprise de l'esprit de clan, protesta contre cette solution. Le prophète alayhi salatu wassalam intervint alors et ne cessa de les calmer jusqu'à ce que les deux parties se tussent. Aïcha radiallahu anha, ignorante de toutes ces rumeurs, tomba malade et resta confinée dans son lit pendant tout un mois. Elle avait cependant remarqué que l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne lui témoignait pas la prévenance dont il faisait habituellement preuve lorsqu'elle tombait malade. Lors de sa convalescence, elle apprit de la part d'Umm Mistah, la mère de Mistah, que des calomnies avaient été répandues à son sujet. Elle demanda alors au prophète, alayhi salatu wassalam, la permission d'aller visiter ses parents afin d'obtenir des nouvelles exactes. Ses parents confirmèrent le fait qu'on avait propagé des rumeurs à son encontre. Elle éclata alors en sanglots, ne cessa de pleurer pendant 2 jours et passa une nuit blanche à tel point qu'elle eut l'impression que son foie allait se déchirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint la retrouver alors qu'elle était dans cet état et après avoir attesté de l'unicité d'Allah, il lui dit « Oh Aïcha, on m'a rapporté sur ton compte telle et telle chose. Si tu es innocente, Allah t'acquittera. Sinon, demande le pardon d'Allah et repens-toi à lui. Car lorsque le serviteur reconnaît son péché et s'en repent, Allah lui accorde son pardon. Elle cessa de pleurer et demanda à ses parents de parler pour elle, mais ils ne savaient quoi dire. Aussi prit-elle elle-même la parole et dit « Et si j'admets quelque chose dont Allah sait que je suis innocente, alors vous me croirez. Par Allah, je ne vois d'autre situation pareille à la mienne que celle du père de Youssouf, Joseph, quand il dit « Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Sourate 12, verset 18, selon le sens du verset. Puis elle s'étendit sur son lit. C'est à ce moment décisif que vint la révélation pour délivrer Aïcha, radiallahu anha, de tous les mensonges forgés contre elle. La révélation terminée, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, sourit et lui dit immédiatement « Ô Aïcha, Allah déclare ton innocence. » Sa mère lui dit « Va vers lui. » Mais Aïcha, confirmant son innocence et confiante en l'amour que lui vouait l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Par Allah, je n'irai pas vers lui et je ne louerai qu'Allah. » Allah descendit au sujet de la calomnie forgée par les hypocrites dix versets, les versets 11 à 20 de la sourate 24. Il dit notamment « Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. » Sourate 24, verset 11, selon le sens du verset. Les principaux instigateurs de cette affaire, Mistah ibn Uthatha, Hassan ibn Thabit et Hamna bint Jahsh, furent châtiés chacun de 80 coups de fouet. Quant à Abdullah ibn Ubay, qui s'était chargé de la plus lourde part de ce péché, la calomnie, il ne fut pas fouetté. Soit parce que les peines corporelles infligées aux coupables dans le bas-monde les mettent à l'abri du châtiment dans l'au-delà, or Allah a promis à Abdullah ibn Ubay un châtiment énorme dans la vie ultime. Soit pour la même raison qui lui sauva la vie lorsqu'il dit « Si nous revenons à Médine, le plus noble de nous deux chassera le plus vil » après l'incident survenu au point d'eau d'Al-Muraïsir. De plus, il devint l'objet de reproches et d'humiliations parmi les siens après que ses intentions réelles eurent été exposées au vu et au su de tous. Presque un mois plus tard, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et Omar ibn al-Khattab eurent la conversation suivante. « Vois-tu, Omar, si je l'avais fait tuer, des gens se seraient hâtés avec fureur en vue de le venger, tandis que maintenant, au contraire, si je leur demande de le tuer, ils le feront. » Omar répondit « Par Allah, je sais que le jugement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, renferme des bénédictions beaucoup plus grandes que mon propre jugement. » Les expéditions et les détachements après l'épisode d'Al-Muraïsia. Le détachement de Abdurrahman ibn Auf fut dirigé vers le territoire d'Ebanu Kalb, à Jumatul Jandal, au mois de Sha'ban de l'an 6 de l'Hégire. Avant leur départ, le prophète, alayhi salatu wassalam, fit venir auprès de lui Abdurrahman. Et de ses propres mains, il le coiffa d'un turban, puis il lui fit des recommandations afin de mener à bien la guerre. Il lui demanda d'épouser la fille du roi si les Banu Kalb venaient à se soumettre à lui. Abdurrahman demeura chez les Banu Kalb pendant 3 jours. Il les appela à l'islam et ils acceptèrent de suivre la voie de l'islam. Il se maria alors avec la fille de leur roi, Tamadur bintul Asbar. Le même mois de cette année-là, Ali ibn Abi Talib fut dépêché à la tête d'un détachement chez les Banu Sa'd ibn Bakr à Fadak. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait été en effet informé que ceux-ci voulaient soutenir les Juifs. Les combattants musulmans marchèrent de nuit et se cachèrent le jour. En chemin, ils capturèrent un éclaireur de l'ennemi qui admit être un émissaire aux Juifs de Khaybar pour leur offrir le soutien des siens en échange d'une récolte de leur date. Ali et ses compagnons attaquèrent alors leur campement. Ils se saisirent de 500 chameaux et de 2000 moutons, mais les Banu Sa'd ainsi que leur chef, Wabr ibn Alim, avaient déjà pris la fuite. Le détachement d'Abu Bakr as-Siddiq, ou celui de Zayd ibn Haritha, fut envoyé à la vallée d'Al-Qura, au mois de Ramadan de l'an 6 de l'Hégire, pour attaquer le clan de Fazara, qui voulait attenter à la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Après la prière de l'aube, le détachement lança l'attaque. Il y eut des morts, mais aussi des captifs. Parmi ces derniers se trouvaient Qirfa et sa fille, qui étaient d'une très grande beauté. La libération de cette dernière servit de rançon pour racheter la liberté des musulmans captifs à la Mecque. Qirfa était maléfique. Elle avait essayé de tuer le prophète, alayhi salatu wassalam, en équipant 30 cavaliers qui appartenaient à sa propre famille, mais tous, y compris elle, furent mis à mort par les musulmans. Anas ibn Malik a rapporté que certains membres de la tribu de Urayna se rendirent auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et prétendirent se convertir à l'islam. Ils restèrent d'abord dans la cité de Médine, mais ils ne tardèrent pas à aller installer leurs tentes à l'extérieur, prétextant que le climat de Médine ne leur convenait pas. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur donna des chamelles avec un berger et leur recommanda de boire le lait et les urines de ces chamelles. Dès qu'ils recouvrèrent la santé, ils se ruèrent sur le berger du prophète, alayhi salatu wassalam, et le tuèrent. Ils emmenèrent les chamelles et renièrent l'islam. Cette nouvelle parvint au prophète, alayhi salatu wassalam, qui dépêcha sur leurs traces un groupe de 20 musulmans menés par Karz ibn Jabir al-Fihri. Ils furent capturés. On leur coupa les mains et les pieds, on creva leurs yeux en rétribution de leurs actes de perversité et ils furent abandonnés dans un état d'agonie dans la Harra, le terrain volcanique, où ils moururent. Les biographes du prophète, alayhi salatu wassalam, ont aussi rapporté que Amr ibn Umayya al-Damri et Salama ibn Abi Salama furent envoyés au mois de Shawwal de l'an 6 à la Mecque afin de tuer Abu Sufyan, le chef de Quraysh, qui avait auparavant envoyé un bédouin en vue d'assassiner le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mais ils échouèrent. Il est rapporté que Amr ibn Umayya al-Damri tua sur son chemin 3 idolâtres. Les biographes disent aussi que ce fut au cours de cette mission que Amr ibn Umayya al-Damri emporta la dépouille mortelle de Khobayb mise à mort par les Qurayshites. Or, il est notoire que la mort de Khobayb eut lieu quelques jours ou quelques mois après l'événement d'Ar-Raji' au mois de Safar de l'an 4 de l'Hégire. Nous ne savons si les biographes ont confondu les deux voyages de Amr ibn Umayya al-Damri ou si les deux événements se sont effectivement déroulés au cours d'un seul et même voyage en l'an 4 de l'Hégire. Il est important de noter que les Sariya et les Ghazwa qui ont suivi la bataille des coalisés et l'expédition contre les Banu Qurayza n'ont pas comporté de réels et âpres combats, mais seulement des escarmouches. Il s'agissait surtout de détachements de reconnaissance ou d'expéditions punitives afin d'intimider les Bédouins et les ennemis encore belliqueux. En méditant sur l'évolution de la situation, l'on s'aperçoit de l'effondrement continuel du moral des opposants à l'islam. Ils comprenaient progressivement qu'ils n'étaient plus en mesure de vaincre la prédication islamique ni d'affaiblir son influence grandissante. Cette nouvelle donne se concrétisa surtout par le traité d'Al-Hudaybiyah, dont la conclusion indiqua clairement la reconnaissance de la puissance de l'islam ainsi que son installation définitive en Arabie.